Troisième chapitre. N'ayant encore personne pour tenir sa maison, Hervé continuait à venir prendre ses repas chez son oncle, éprouvant une sorte de douceur singulière, lui si longtemps privé des joies intimes de la famille, lui le vagabond, à se retrouver dans ce nid tiède entre les deux jeunes filles. Plus d'une fois il avait surpris, avec un frisson de contentement, les yeux noirs de sa cousine posés sur lui ainsi qu'une caresse, tandis qu'il racontait ce qu'il voulait bien avouer de ses souffrances, de ses misères, de sa vie à l'étranger. Certainement il n'était pas indifférent à celle-ci. À cette pensée, un sang plus ardent brûlait alors ses joues, ses yeux s'allumaient d'une flamme courte, concentrée quand, à son tour, il la regardait, détaillant les traits réguliers de Marianic, sa fine peau transparente, ses cheveux d'un noir bleu, frisant naturellement, toujours coquettement arrangée sous la petite coiffe blanche qu'elle affectait de conserver, pendant que la plupart des jeunes camarétoises l'abandonnaient peu à peu pour rester en cheveux ou porter chapeau comme les dames de la ville. Elle se montrait pour lui d'une affection prévenante qui encourageait insensiblement ses espérances. Aussi, malgré les bruits recueillis çà et là dans le pays au sujet de Corentin, malgré ce qu'il avait vu et entendu, il se disait qu'il ne lui serait pas difficile de l'emporter sur le pêcheur et de se faire préférer par sa cousine. Probablement cette amourette, seulement à son début, n'était-elle qu'un simple désir de fille en âge de mariage, sans racines profondes, à lui d'aviser. La courte explication qu'il venait d'avoir avec le patron du canot de sauvetage était un premier jalon planté dans ce but, un sournois moyen de tâter le terrain et de savoir si, de ce côté, il y avait danger ou facilité, si l'amour se trouvait solidement fixé dans ce cœur simple et grossier. Il n'avait pu maîtriser, en s'assurant de cette dernière hypothèse, un mouvement de colère, de cette colère qui montait toujours si rapide, si terrible en lui, à la moindre contrariété, au moindre obstacle mis à un de ses désirs ou de ses appétits. Mais intérieurement, il songeait « C'est bon, va toujours, nous verrons. Espère un peu, j'ai triomphé de bien d'autres que toi et de plus redoutables. » Un sourire passait sur ses traits, desserrait ses lèvres au souvenir de ses bonnes fortunes de là-bas, des coins de terre inconnus d'où il venait. Ce jour-là, en raison même de l'abondance subite de la sardine, le mille était tombé à 25 francs, les usines regorgeant. Encore, ce prix ne tint pas et descendit au fur et à mesure de l'arrivée des bateaux. Rentrant parmi les premiers, Guivarc et Garec se trouvèrent au nombre des plus favorisés. Après, ce fut une débâcle. Une animation extraordinaire secouait la torpeur habituelle du port. Des quantités de barques accouraient toujours, venant accoster le quai. D'autres se contentaient de jeter l'ancre le long de la jetée, près du phare, en eau profonde. Parmi celles-là, rien que des gens de Douarnenez. C'était une promenade continuelle, une sorte de navette ininterrompue entre les barques et les usines, situées l'une au Stivel, à côté du canot de sauvetage, les trois autres vers l'extrémité opposée de Camaret, à l'endroit où se trouve le bureau du commissaire de l'inscription maritime et où s'amorce la route de Falaise conduisant de Kellerne à Roscanvel. Par groupe de deux, de trois, les uns derrière les autres, bavardant et riant en laissant retomber pesamment leurs sabots sur les dalles du quai ou le caillouti du chemin, les pêcheurs, le béret bleu sur leur chevelure en désordre, le menton mal rasé, la chique bosselant la peau de la joue, portaient, accrochés à chaque bras par lance, le panier rond de 200 sardines et se dirigeaient vers la friture qui avait acheté la pêche. Ils arrivaient, la face aguichée, luisante dans la satisfaction du gain à toucher, s'engouffraient par la grande porte béante, leurs pieds glissant dans le ruisseau d'eau ensanglanté et fétide, roulant sans interruption hors de la fabrique en travail. L'immense salle était en rumeur, voix de femmes jacassant à gorge perdue, chansons bretonnes remuant sous la sonorité du haut plafond formé par le toit de tuiles rouges et de charpentes, des refrains monotones et dansants où ronflait un vague écho de biniou, une aigre fusée de musette pleurarde. Parfois, l'une entamait tout à coup un air connu que toutes reprenaient avec un étonnant sentiment musical. C'était panier sur panier que l'on versait sans discontinuer dans la longue auge de bois pleine de sel, où l'on jetait les sardines à leur arrivée dans l'usine avant de leur couper la tête et de les vider. Un frétillement d'écailles d'argent coulait comme un fleuve d'un bout à l'autre de la vaste pièce, sous les mains expertes des friturières, en jupon court, en sabots, la coiffe blanche, sans broderie enfermant leurs cheveux, le fichu de lainage, de cotonnade ou de toile de couleur croisée sur la poitrine, leur donnant un aspect uniforme. Une odeur terrible montait, soufflant au visage une écœurante exhalaison d'huile chaude, à laquelle se mêlait la senteur des énormes baquets, dans lesquels s'entassaient les détritus, la vidure des poissons, tout ce grouillement d'intestins et de têtes sanglantes qui forme ce qu'on nomme le strong et qui servira ensuite d'amorce commune pour affriander la sardine, à pas bon marché, remplaçant mal la rogue car il décompose plus vite le poisson. Dans cette atmosphère empuantie, vivait, gaie, insouciante, ne semblant s'apercevoir de rien, une cinquantaine de femmes, de jeunes filles, dont les éclats de rire bondissaient incessamment d'un coin de la salle à l'autre, tandis qu'un vacarme continu houlait, composé de 1000 tapages divers, ébullition de l'huile bouillante, heurts des boîtes de zinc, tintement métallique, traînement des sabots cliquetant toujours. Des lazis, de grosses gaietés, des plaisanteries accueillaient les pêcheurs qui, habitués à cette avalanche, répondaient dru et repartaient de leur pesant dandinement de marin, s'arrêtant un instant au guichet de la caisse placée à l'entrée avant d'aller chercher d'autres panerées de sardines. À table, entre Yvonne et Marianic, en face de Pierre Guivarc, Hervé fut, ce soir-là, d'un entrain inaccoutumé. Tout en mangeant, il additionnait son gain. « Si ça continue quelque temps, j'aurai tôt fait de regagner le prix de ma barque. »« Oui, oui, ça donne fameusement en ce moment, » reprit l'oncle. « Ça donne même trop, rapport à ce que le poisson n'est pas gros et que les usines vont être encombrées pour des jours et des jours. » Yvonne interrompit, cessant de manger. « Je travaille cette nuit, moi. » Hervé s'exclama, surpris. « Comment cela, toi, friturière ? Mais je ne veux pas !» La folle secoua doucement la tête. « Tu ne sais pas, elles ne peuvent rien faire sans moi. » Il allait la questionner encore, l'autre ne l'écoutait plus, commençant le cantique du paradis. « Jésus, Péguer Braséo !» Sans plus s'occuper de personne, tout à sa vie imaginaire. Marianic dut alors expliquer à son cousin que la jeune fille, sans être absolument engagée par telle ou telle usine, s'y rendait de temps à autre, les jours et surtout les nuits de grand travail, à cause de toutes les chansons et de toutes les histoires qu'elle savait. « Tu comprends, cousin, tant qu'il y a de la sardine, il faut qu'on reste debout, on ne se repose que quand il n'y en a plus. Oh, tu as oublié nos habitudes au milieu de tes voyages, mais rappelle-toi, c'était déjà ainsi autrefois. Yvonne en sait des chansons, beaucoup, beaucoup, alors on l'écoute et cela chasse le sommeil. » appuya l'innocente, abandonnant son cantique et dont les yeux clairs semblaient voir au fond de la chambre quelque chose d'invisible pour eux. « Je travaille pour elle !» voulut insister le jeune homme. « Cela ne la fatigue pas, va, garçon, et puis, c'est son seul amusement, laisse-la faire !» conseilla le maître de port. « Si c'est ainsi, mignonne, » termina-t-il câlinement, et dès demain il fit un geste dégageant sa responsabilité. Il se souvenait maintenant de ces belles époques de grosse pêche, où jour et nuit, sans arrêter, tandis que les pêcheurs sont en mer ou reposent, les usines fonctionnaient avec leur population de femmes allant et venant, toujours debout, par crainte des somnolences invisibles, leurs sabots clapotant dans les milliers d'écailles d'argent, dans l'eau ruisselant partout, d'un tapage plus vif et moins fort que les sabots des hommes. Dans Camaret, le jour éteint, les maisons retombaient dans l'ombre confuse, les ténèbres se faisaient épaisses, d'une opacité de poids, lorsque la lune ne donnait pas. Seules, aux deux extrémités du pays, les fenêtres et les portes ouvertes des usines flambaient d'une clarté rousse et, sous les quinquets fumeux accrochés de distance en distance, un remuement incessant de mains et de langues, toutes les friturières criant, chantant à tue-tête pour ne pas se laisser gagner par le sommeil. C'était comme une vision de son enfance remontant tout à coup devant ses yeux. que de fois, gamin, il lui était arrivé de s'arrêter devant l'ouverture illuminée d'une friture, comme on appelle les usines pour confire les sardines, et là, de regarder, d'écouter, bouche béante, retenant avec sa facilité le camaretois, avec l'oreille musicale de tous les bambins de l'endroit, les airs et les paroles de ses chansons, dont le bourdonnement grondait, accompagnant le travail des mains. Il avait bien remarqué qu'il y en avait une, presque toujours la même, qui donnait en quelque sorte le branle, entraînant ses compagnes. Ainsi, c'était là le rôle de sa sœur. Nul, en effet, n'eût pu lutter avec Yvonne sur ce chapitre. Son répertoire était si varié, sa voix si douce et si juste, son courage si tenace, que les propriétaires d'usine la réclamaient chaque fois qu'il y avait une nuit à passer, après une journée déjà très fatigante, ou lorsque les friturières avaient déjà veillé la nuit précédente. « C'est toujours le même prix ?» demanda-t-il, songeant au gain des travailleuses. « 2 francs le mille ?» appuya Pierre, qui ajouta. « Cette semaine, une bonne ouvrière va pouvoir se faire sa pièce de 45 francs. Un dur métier, mais qui rapporte ?» Hervé souriait de nouveau, le visage tourné vers Marianic, une douceur inaccoutumée dans les yeux. Il fit d'une voix lente, appuyée, comme s'il eût voulu la faire pénétrer plus avant. « Que cela dure encore, et je pourrais songer à m'établir, chez moi. « Hein ? Tu songes à nous quitter ?» demanda l'oncle. « Et que diable feras-tu tout seul ?»« Dame, il me faudrait une femme. Tu trouveras, qu'un marais ne manque pas de filles à marier. Et aux environs, donc, je sais quelque chose de fameux, pas loin, à Kerloc, une jolie fille, celle au père Moal, la Bernardine. Tiens, si tu veux. » Le revenant leva la main. « Oh, pas si vite. Je puis attendre, je suis difficile, très difficile. » « Le fait est que tu as pu avoir le choix là-bas, dans tes pays du diable !» grommela le vieillard, légèrement vexé. L'autre continua d'une voix attendrie, presque suppliante. « J'en veux une qui ressemble à Marianic. » La jeune fille le regarda, surprise, et une rougeur monta à ses joues habituellement pâles. Mais déjà le jeune homme s'occupait d'Yvonne, ne paraissant plus faire attention à sa cousine. « Tu sais, petite sœur, je te conduirai à l'usine. » Marianic se leva sous prétexte de desservir, en réalité pour secouer le mauvais engourdissement que, brusquement, les paroles d'Hervé avaient jeté comme un lourd filet sur elle, et aussi pour échapper à ses regards, sous lesquels des flammes lui couraient à la surface de la peau en brûlure. Pierre Guivarc paisiblement fumait une pipe, riant à des choses qu'il évoquait du fond de sa mémoire et, posant la main sur l'épaule de son neveu, « Le mariage, drôle de chose, des fois !» Ça me rappelle Nukaïva, où je fus en 1854. T'as été par là, peut-être ? Le jeune homme fit un geste négatif. Eh bien, les naturels venaient d'y manger 7 artilleurs. Ah, mais tel que je te le dis, va ! Un seul avait échappé. Mis dans une cage pour être engraissé, il avait occupé son temps à fabriquer le petit moulin à vent. Sais-tu ce qui arriva ? Le chef, séduit par ces diables de machines, lui a donné la main de sa fille. En voilà un mariage. Des temps se passent, lui guettant toujours une occasion de quitter ce dangereux pays. Enfin, il nous voit arriver et arrange son affaire. Il entraîne sa femme, avec l'air de se promener, riant, causant, car il avait appris leur gazouillement. Et, une fois près de la mer, se sauve à toutes jambes, se jette à la nage et rejoint un de nos canots. C'est naturel, il faut dire, avait une taille formidable. On en faisait monter quelques-uns sur le navire pour les faire danser. Tu ne te marieras pas comme cela, ha ha ha ! Tu en as de ces histoires, répondit Hervé. Tant que tu voudras, c'est pas comme toi, toujours, tu ne dis rien. Pourtant, tu as voyagé, que je pense. Bah, moi, ça n'est pas amusant, pas des choses à intéresser. Ses sourcils se fronçaient malgré lui, et voyant que de loin, Marianic semblait l'examiner, essayer de comprendre ce qu'il voulait dire, il repoussa sa chaise et fit « Allons, Yvonne, quand tu voudras venir ?» Ils sortirent ensemble. « Drôle de garçon, on n'en peut rien tirer !» murmura Pierre Guivarc en soliloque. Il se tourna vers sa fille, questionneur. « Il voudrait une femme comme toi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Il est si étrange avec ses phrases à choses cachées dessous. » Marianic eut un frisson et sans répondre songea « J'ai peur de le savoir. »